Bonjour et bienvenue dans Folklore, le podcast de vulgarisation des mythes et légendes d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Déborah. Et moi, c'est Gabriel. Bienvenue sur ce pilote d'un tout nouveau podcast consacré à l'étude approximative mais toujours documentée des mythes et légendes de tous les horizons et de tout temps. Oui, bienvenue. Et comme on se lance, c'est notre tout premier podcast, donc on vous demandera à la fois de l'indulgence et de la transparence. Si c'est mauvais, dites-le nous, mais gentiment s'il vous plaît, histoire qu'on s'améliore, sans finir en PLS sous le bureau. Oui, et merci pour notre santé mentale. Et d'ailleurs, quel est le but de ce podcast, Gabriel? Alors, ici, on va essayer de vous faire découvrir ou redécouvrir des histoires, des mythes et des légendes, voire même des légendes urbaines, pourquoi pas, qui hantent le folklore, d'où le nom de ce podcast. Et oui, parce que le folklore, d'après le Larousse, pour ne pas le citer, hein, c'est l'ensemble des pratiques culturelles, les croyances, les rites, les contes, les légendes, les fêtes, les cultes, tout ça, des sociétés traditionnelles. En gros, c'est la science des traditions, principalement entretenue et transmise par les peuples. Du coup, les mythes et légendes peuvent évoluer dans le temps, car ils sont souvent transmis de façon orale, même s'il y a quelques textes qui nous sont parvenus, selon les peuples et selon les régions du monde. Par contre, on n'est pas des spécialistes du folklore. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, à la fois pour sa dimension de tradition, de transmission, mais aussi dans la vision qu'on peut en avoir aujourd'hui. La pop culture s'est très largement inspirée des différentes mythologies et légendes pour créer des œuvres originales sombres et décalées. Moi, c'est justement comme ça que j'ai découvert la plupart des mythes, et c'est pour ça qu'on a eu envie de faire ce podcast. On souhaite ici faire le pont entre les origines de ces histoires et leur impact dans la littérature, le cinéma, les séries télé, les jeux vidéo, les animés, etc., etc. Chaque épisode sera abordé sous l'angle d'un thème principal et mettra en avant un ou plusieurs personnages mythiques, légendaires, folkloriques. Bon, on se lance pour le pilote? C'est parti! Cette histoire s'est déroulée il y a très très longtemps, à l'époque des mythes et des légendes. Je suis Shiva, le dieu de la mort. Dia de los Muertos a commencé. En fait, je suis une Shinigan. Nom de Zeus! Avant d'aller plus loin, on tient à dire que ce podcast n'a aucun jugement de valeur sur les différentes mythologies qui vont être abordées. Oui, voilà, c'est plus la façon dont nous on a trouvé l'histoire, la façon dont nous on l'interprète. On ne porte aucun, effectivement, jugement de valeur sur tous les mythes et toutes les légendes qu'on va aborder, même si parfois il y en a certains qui vont nous sembler un petit peu déconnectés de la réalité. On en fera état, mais il n'y a pas de, y a rien de péjoratif dans tout ce qu'on va pouvoir dire. C'est un podcast qui est quand même fait de façon bienveillante. L'idée, c'est de partager des histoires qu'on trouve intéressantes et passionnantes. Oui. Le tout dans la bonne humeur. Voilà, c'est ça. Et puis, faire découvrir, déjà nous découvrir des légendes qu'on ne connaît pas, et puis vous les partager, et faire en sorte que toutes ces légendes et tous ces mythes soient perpétués. Exactement. Et si un jour ça arrive qu'on traite mal d'un sujet pour cause d'ignorance, parce qu'on ne connaît pas tout, on essaie de s'intéresser, de rester le plus informé possible, n'hésitez pas à vous dire, on retravaillera dessus, et pourquoi pas vous invite au podcast pour en parler avec un connaisseur. Voilà, tout à fait. Dans chaque épisode, nous allons chacun traiter d'un personnage issu d'une mythologie, d'une région du monde ou d'une époque différente, ayant un point commun sur le thème que nous aurons choisi. Le thème du jour, c'est de traiter de personnages associés à un objet qui leur confère des pouvoirs, qui leur confère une malédiction, du savoir, en fait, vraiment des personnages liés à un objet mythique ou magique. Alors non, hein, on ne va pas vous parler de Thor, même si c'est aujourd'hui le personnage qui illustre le mieux le sujet de l'épisode. En effet, Thor détient non pas un, mais trois objets qui sont symptomatiques et qui sont rattachés à lui. Tout d'abord, on a le célèbre Mjolnir, un marteau forgé par les nains, qui est d'une puissance et d'une précision sans faille, mais peut parfois se montrer un peu caractériel. Il a également sa ceinture de force et ses gants de fer sans lesquels il ne peut pas porter son marteau. En effet, on ne va pas s'étendre sur Thor, c'est un personnage de la mythologie nordique qui a facilement trouvé sa place dans la pop culture. Évidemment, on pense aux comics ou aux films du Marvel Cinematic Universe, mais aussi dans la série Stargate SG-1, ou dans le jeu God of War, et dans de nombreuses œuvres. Bref, c'est un personnage déjà très connu, pas toujours bien traité, mais dont tout le monde a déjà au moins entendu parler. Pour ma part, je vais vous parler d'un personnage tellement célèbre qu'une expression existe en lien avec son mythe. On va se faire une petite devinette pour découvrir le mythe en question. Alors, t'es prêt, Gab? C'est parti. Allez. Mon premier est en morceaux. Mon second se dépêche. Mon troisième se la joue particulier bourgeoisie. Mon quatrième pétarade comme une arme à feu. mon cinquième se tape une petite sieste, et mon tout conserve tous les maux de l'humanité. Est-ce que tu l'as ? J'ai pas tout, j'avoue. T'as pas tout ? Alors on va se la refaire. Mon premier est en morceaux. Ce sont des bouts. Oui, boudin. Mon second se dépêche. Alors c'est pas grouille, mais c'est... hâte. Hâte. Mon troisième se la joue particule et bourgeoisie. Deux. Très bien, pour De La Fontaine, Trois, voilà, deux, trois. Mon quatrième pétarade comme une arme à feu. Boum. Eh non, c'était l'autre. Pan. Pan. Mon cinquième se tape une petite sieste. Ton père ? Oui, mais ça... Boîte de pan, ton père, ça ne fonctionne pas. D'accord. Donc c'est d'or. Très bien. Et le tout conserve tous les maux de l'humanité. Donc c'est... La boîte de Pandore. La boîte de Pandore, tout à fait. Alors, je ne vais pas vous parler de la boîte toute seule, hein, puisqu'on a dit qu'on se concentrait sur un personnage. Je vais donc vous parler de Pandore dans la mythologie grecque. Les restes de ce mythe dans les civilisations qui ont suivi de façon assez rapide, et surtout du lien et de la façon dont les femmes ont été considérées à travers le temps. C'est un sujet qui me tient à cœur, la représentation de la femme dans le temps et dans la société, et principalement au travers des mythes et des légendes. Alors ça va de la sorcière à l'Amazone, de la jeune fille frêle, sans défense, à la déesse guerrière et assoiffée de sang. Voilà, c'est un petit peu mon panel d'intérêt. Bref, revenons-en à notre chère Pandore. Enfin, chère. Pas vraiment, puisque si on en croit la légende, elle était faite en argile. C'est pas le matériau le plus... Ça revient souvent dans la mythologie. Ça revient souvent, très souvent dans la mythologie, effectivement. D'ailleurs, on va en reparler un peu plus tard. Bon, l'argile, pour rappel, c'est quand même ce qu'on se fout sur le visage pour se faire des soins de beauté, ou alors ce qu'on utilise quand on a 5 ans pour faire un cendrier tout dégueulasse à son papa pour la fête des pères. Quand on est un fantôme et qu'on veut faire de la poterie avec son ex-copine morte. Non, ah ben, c'est vachement gay. C'est lui qui est mort et elle qui est vivante. C'est lui qui est mort et elle qui est vivante. Excusez-moi. Non, c'est l'inverse. Bref, on s'égare un peu. Tout commence par une chamaillerie entre Zeus et le titan Prométhée, ou Prométhéus, hein, on le connaît aussi sous ce nom-là, mais moi je vais l'appeler Prométhée. Zeus, il avait un peu le sbeul, parce que Prométhée avait volé le feu sacré de l'Olympe pour le donner aux hommes. Et du coup, il a décidé de se venger, mais il va se venger en deux temps, vous allez voir. En fait, si Prométhée, il a pris le feu, c'est parce que son frangin, Épiméthée, il a un petit peu foiré dans la conception de l'homme. En gros, le boulot, il était réparti entre trois acteurs de l'Olympe. Prométhée créait les hommes avec de l'eau et de la terre. Encore une fois, de l'argile, hein, on y revient. On aimait bien ça à l'époque. Hein. Athéna, elle devait leur insuffler le souffle vital. Donc en fait, elle devait les rendre vivants. Et Épiméthée, il devait leur donner de quoi se défendre. Bon, alors apparemment, Épiméthée, il a un petit peu merdé quelque part. Il devait avoir une vieille gueule de bois d'ambroisie. Et il nous a filé des ongles et des poils, hein, en termes d'éléments de défense et d'attaque. Ce qui est quand même relativement faiblard, quand on voit que ça ne sert même pas à résister aux poux et aux morpions. Voilà. En vrai, il s'occupait des animaux quand les dieux ont créé toute la partie humanité, faune, flore, etc. Et il a insisté pour s'occuper de l'embellissement et de l'amélioration de tout ce parc vivant. Et il a filé tous les trucs vraiment cool aux animaux, hein, genre les griffes acérées, les crocs menaçants, le venin, les écailles, etc. Et en fait, il n'y avait plus rien pour l'homme à la fin. Donc du coup, on s'est retrouvé avec... Les poils, les griffes, les ongles, ça reste dans le même bail. Ouais, c'est le même bail, mais enfin, ça fait quand même moins mal. Regarde. C'est ça. Tu fais vachement bien le chat. Donc du coup, Prométhée, il a essayé de sauver un petit peu les miches de son frangin en filant le feu sacré de l'Olympe aux hommes. Et accessoirement, il aura aussi appris à s'en servir, par exemple avec l'utilisation du feu pour la métallurgie. Tout ça, Zeus, il n'a pas trop apprécié. Du coup, il a enchaîné Prométhée au mont Caucase, et puis il l'a laissé là, se faire bouffer le foie par un aigle, et vous savez certainement que le foie est un organe qui se régénère, et donc à chaque fois que le foie commençait à se régénérer, l'aigle venait repicorer un petit peu du foie, et voilà... C'était quand même pas très cool, quoi. Un petit buffet à volonté. Oh merde, le foie, c'est pas mauvais, hein, avec en persillade, un petit peu de, ouais. Un petit peu de beurre, un petit peu de... Bref. Puis, on a Hercule, ou Héraclès, hein, qui a libéré Prométhée de son mont Caucase lorsqu'il faisait ses quelques petits 12 travaux. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais enfin, voilà. Prométhée a été libéré. Pour revenir sur cette histoire de feu, parce que j'ai pas insisté là-dessus, mais quand je dis que Prométhée a donné le feu aux hommes, c'est vraiment aux hommes, hein, c'est-à-dire aux personnes de sexe masculin. Parce qu'en fait, la bande de dieux qui a créé les êtres humains n'a conçu que des bonhommes. C'est un peu embêtant. Bah, c'est embêtant, non, ça dépend ce que tu aimes, mais disons ouais. Que pour perpétrer la race, c'est plus compliqué, ouais. Quoi, voilà. On part déjà sur une solide base pour l'humanité, hein, c'est-à-dire c'est des gars sans défense, à qui on a quand même filé un briquet et un peu de ferraille. On est sur un bail de compète, là, en termes de qualité. Ah ouais. Koh-Lanta de la mythologie. Koh-Lanta, non, ils ont un briquet, mec. Ah, pardon. Donc c'est déjà le Koh-Lanta, mais après facilité, quoi. Après les... Voilà, c'est ça. Une fois qu'ils ont le feu et le riz. Bon. Zeus, il s'est dit qu'il n'allait pas en rester là. Il aime bien les vengeances avec double effet qui se coule. Du coup, pour faire chier Prométhée, il s'est dit qu'il allait pourrir les humains, hein, très clairement, les petits protégés du titan. Alors, il échafaude un plan un poil complexe, hein, vous allez voir, mais qui lui permettra de pas trop s'engager directement et frontalement contre les hommes. Alors, dans un premier temps, il charge son fils, enfin, un de ses fils, Héphaïstos, dieu du feu, de la forge, des volcans et de la métallurgie, de créer un nouvel être humain à partir d'argile. Mais en mode femelle cette fois-ci. Vierge, hein, tant qu'à faire, et d'un charme ravageur basé sur les déesses qu'on croise sur le mont Olympe. Puis il ordonne à plusieurs déesses et dieux de mettre un petit peu la main à la pâte. Alors, voici... Enfin, la main à l'argile. Oui. Voici quelques extraits de l'ouvrage intitulé Pandore, un poème en trois chants de Charles Chesneau, que j'ai légèrement adapté, puisque lui, il raconte l'histoire de Jupiter. Et Jupiter, c'est le nom romain de Zeus. Donc je me suis permis d'adapter les quelques situations suivantes avec les noms grecs. Comme ça, c'est plus pratique pour suivre quand on n'y connaît pas grand-chose et qu'on sait pas trop faire le rapprochement entre Héphaïstos et Vulcain, Zeus, Jupiter, etc. Zeus laisse échapper quelques rayons de lumière qui se dirigent vers la statue d'Héphaïstos. Elle en est investie, elle en resplendit. Mais cette vive lumière ne brille qu'un instant au dehors. Elle a pénétré l'intérieur de la statue. Pandore sent qu'elle existe. Zeus, qui vient de l'animer, ne cesse de la contempler avec un tendre intérêt. Cependant, les dieux et déesses se disposaient à faire à Pandore chacun un don propre à l'embellir. Zeus donne à Pandore une portion de son intelligence, la mémoire qui rappelle le passé, l'imagination qui devance l'avenir, la pensée, en un mot, pour mieux percevoir et juger. Héra communique à Pandore cet air de grandeur et de majesté qui en impose, cette noble fierté qui sied bien à son sexe. Aphrodite remit à Pandore sa ceinture. Pouvait-elle être plus magnifique dans ses dons? La beauté sans sagesse serait plutôt un mal qu'un bien. Elle conduirait à de grandes fautes si l'on ne savait en faire un bon usage. Pandore reçoit d'Athéna l'amour de ses devoirs, le doux penchant de la vertu. L'offrande la plus agréable que tu puisses faire aux dieux sera toujours celle d'une âme pure et sans artifice, d'un cœur bon et compatissant. « Je suis amie d'Athéna, disait la chaste Artémis. J'ajoute à ce qu'elle t'a donné la candeur, la modestie, les grâces ingénues, la craintive pudeur, qui, alors même qu'elle semble embarrassée, embellit tout et donne un prix inestimable aux moindres choses. » Apollon enjoignit aux muses d'inspirer à Pandore le goût des sciences et des beaux-arts, et surtout la douce persuasion, cette éloquence qui émeut d'un seul mot, d'un sourire, d'un regard, d'un geste, quelquefois par l'énergie du silence. Que sa gaieté, que son enjouement, disait encore Apollon, parviennent à t'érider le front de l'homme, dont elle doit être la compagne, à dissiper ses idées noires et mélancoliques, à tempérer la rudesse de son caractère, à répandre quelques fleurs sur son passage dans la pénible carrière de la vie. Ainsi, les dieux aimaient à perfectionner la statue d'Héphaïstos, que Zeus avait animée du feu céleste. Elle était déjà belle, parce qu'elle était l'ouvrage d'un dieu. Mais depuis qu'elle est l'ouvrage de tous les dieux ensemble, elle est plus belle encore. C'est dans Pandore que se trouvent réunis le beau physique et le beau moral. Fin de citation. On est d'accord, les déesses et les dieux ont donc créé une vierge ultra bonne, un poil maligne mais pas trop, et qui sera là pour son mec. Ouais, moi y'a rien qui me choque. Y'a rien qui te choque, et ben c'est parfait. Je trouve ça bien. Une autre version vient compléter celle-ci, bien moins glorieuse pour notre cher Pandore, hein, faut bien se l'avouer. Dans cette version-là, Aphrodite lui a donné sa beauté, mais a aussi fait en sorte de lui inspirer des désirs un peu puissants, hein, des trucs un petit peu malsains, des désirs pas trop appropriés. Hera ajoute à la grandeur féminine qu'elle lui a donnée une pointe de jalousie, bien sentie, hein, histoire de bien foutre la merde. Et Hermès lui fait don de la perfidie et de la curiosité maladive par l'imprudence. Voilà. Donc, on est sur des dieux très sympathiques. On est sur quand même un cadeau de qualité. Nous voici avec donc un sublime cocktail de misogynie, hein, où l'art de décrire les clichés d'une femme bassement matérielle. C'était une autre époque, me direz-vous, mais enfin quand même. Parfois, on en est toujours un petit peu à ce niveau-là. Bref, une fois cette beauté doublement fatale créée, Zeus passe à la seconde phase de son plan diabolique. Il offre la main de Pandore à Épiméthée. Alors, souvenez-vous, hein, Épiméthée, c'est le bolos qui n'a pas assuré dans la phase de conception de l'humanité. Hein, au tout début. Les ongles et les poils. Les ongles et les poils, c'est celui-là même. Alors, Épiméthée, il n'est pas chaud pour accepter le cadeau de Zeus, hein, parce que son frère lui avait dit que Zeus chercherait à poursuivre un petit peu sa vengeance, et qu'accepter un cadeau de sa part, c'était pas super, super safe. Mais bon, Pandore, elle est tellement belle qu'Épiméthée, il ne résiste pas très longtemps, et puis il faut dire qu'il est quand même sacrément couillon, hein, c'est pas la lumière de la famille, donc voilà, il oublie rapidement ce que son frère lui a dit. Avant de quitter l'Olympe, Pandore, elle reçoit de nombreux cadeaux des déesses et des dieux, et dont une boîte, qui parfois est aussi une jarre, selon les versions. Enfin bref, c'est un contenant, quoi, que Zeus lui a donné, un contenant qui ferme, hein, de façon bien hermétique, parce que c'est un petit peu tout le but du truc. Et Zeus lui a donné ça, en lui faisant promettre de ne jamais l'ouvrir. Hermès se charge du transit de la dame et de ses bagages vers la demeure d'Épiméthée. Et vous connaissez, bon, sans doute la suite, hein, notre cher Pandore n'a pas résisté très longtemps à l'envie dévorante et à la curiosité débordante qu'il a supplié d'ouvrir cette fameuse boîte, hein. Ah, encore une fois, c'est la faute des femmes si on suit la mythologie. Bien sûr, tout à fait, c'est toujours comme ça de toute façon. Le premier gros oups de l'humanité, hein, puisque la première mortelle au monde a libéré sur les hommes tous les maux qu'ils connaissent aujourd'hui. La vieillesse, la folie, la mort, la guerre, la maladie, la famine, la tromperie. Le vice, la passion, l'orgueil, etc., etc. Bon, vous avez vu Seven, il y en a déjà quelques-uns dedans. Là, il y en a d'autres qui sont listés. Prise de panique et certainement un petit peu honteuse aussi d'avoir merdé, hein. Bon, qui se ressemble, ça semble, hein. Big up Épiméthée à son nouveau mari. Elle a refermé la boîte avant que l'espérance ne s'en échappe. Alors là-dessus, il y a une petite discorde entre deux clans. Il y a ceux qui entendent le terme espérance au sens d'espoir et qui disent que l'humanité s'est pris tous les mots dans la face d'un seul coup et que le seul bienfait qui pouvait se trouver par là est resté coincé dans la boîte, c'est-à-dire l'espoir, l'espérance, l'attente de quelque chose de bon. Et puis il y a ceux qui disent au contraire que c'est l'attente et la connaissance de l'existence et de l'inéluctabilité de la survenance des mots qui s'en sont échappés. Et que c'est cette connaissance-là, cette peur panique de l'existence de ces mots qui ne nous est pas parvenu, qui est un petit peu comme le mal suprême, le truc qui aurait vraiment pourri l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité peut continuer à vivre parce que ce mal-là ne s'est pas échappé de la boîte de Pandore. D'accord. Ce qui semblerait peut-être plus logique quand tu suis le thème de la boîte de Pandore. Ben voilà, c'est un petit peu pour ça que je penche personnellement sur cette seconde interprétation, parce que pour moi, vivre dans la crainte perpétuelle de la mort, de la maladie, de la folie, c'est pas une vie. Donc en fait, l'humanité ne pourrait pas vivre si elle était en conscience permanente de l'existence de cette mort et de la guerre et de la folie, etc., etc. Donc toi aussi, tu partages cette opinion, ouais, le fait que c'est plutôt la dernière... Si tu suis la logique que tous les mots sont enfermés, pourquoi on aurait mis l'espoir au milieu de tous les mots? Ça me semble logique. Voilà. Mais ça revient souvent avec ça revient souvent des différentes interprétations... À peu de choses près, ouais. Alors là, ça va même au-delà de la simple interprétation, c'est aussi potentiellement... Enfin, ça viendrait d'une erreur de traduction du grec. Le mot en grec pouvait se traduire avec différentes façons, et ça a été la mauvaise façon un petit peu qui a été choisie, voilà. Mais que textuellement, c'était plus au sens de la connaissance des mots, et la connaissance de l'inéluctabilité de ces mots-là, qui serait resté coincé dans la boîte, puisque, en fait, la logique voudrait que ce soit le mal le plus lourd qui aurait mis le plus de temps à s'échapper de la boîte avant que Pandore ne la referme. Et donc, c'est pour ça qu'il a mis plus de temps que les autres à sortir et qu'il s'est retrouvé coincé dedans. D'accord. Voilà. Et je rebondis sur ce que tu disais, il y a aussi le fait qu'à l'époque, enfin, pendant très longtemps, la mythologie se transmettait de façon orale. Donc forcément, ça se déforme aussi avec le temps. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors la représentation de la première femme sujette à la curiosité malsaine et insouciante ne peut évidemment que faire écho à la représentation d'Ève qui a succombé aux appels du vilain serpent, qui a croqué la pomme et s'est faite chasser avec son cum du jardin d'Éden. C'est toujours à une femme qu'on doit tous les maux de l'humanité. Nous traînons aujourd'hui ces traces-là, elles sont ancrées dans nos sociétés. Ouvrir la boîte de Pandore, croquer la pomme, ce n'est jamais bon signe, surtout quand on a un vagin. Voilà. C'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion. C'est une conclusion qui me correspond, ma foi. Tout à fait. Voilà. Mais c'était super. Eh ben merci, j'espère vous avoir fait un petit peu plus découvrir Pandore. Bon, je sais que c'est pas forcément un personnage très... au contraire, c'est un personnage plutôt connu. C'est pas un personnage underground, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais j'aime bien cette image-là de Pandore, image de la femme qu'on a, la mortelle qu'on a dotée de tous les vices, en gros, la perfidie, la curiosité, etc., et qui est à l'origine de la merde sur Terre, voilà. Avec des traits, en fait, qui, quand même, quand tu connais un peu la mythologie grecque, les dieux ont tout aussi ses vices. Ah oui, complètement. Bah, de toute façon, c'est pas pour rien que, je pense, on dit au début qu'il faut qu'elle soit créée telle une déesse de l'Olympe, en mortelle, mais basée sur la beauté des déesses de l'Olympe. Et je pense que c'est pas uniquement une beauté physique, c'est aussi ce que eux considèrent comme une beauté métaphysique, enfin intellectuelle, etc. Et effectivement, les déesses de l'Antiquité grecque, quand même des sacrées connasses, quoi. Les coups qu'elles se font entre elles, c'est pas... Oh ben, les dieux sont pas mal aussi, hein. Ah oui, bien sûr. Là-dessus, on est sur une parité plutôt bien respectée niveau... Ouais, c'est pas faux. Fils de puterie. C'est pas faux. Ben voilà. Très bien. Et ben du coup, c'est à moi. Eh ben c'est à toi, je t'écoute, nous t'écoutons. La France entière est à... est pendue à tes lèvres. Je suis sûr qu'il y a que ma mère qui écoute. Maman, c'est pour toi. Je vais commencer par vous expliquer pourquoi j'ai choisi la figure mythologique dont je vais parler. Lorsqu'on a choisi le thème de personnages avec des objets magiques, j'ai voulu choisir un objet qui était un arc. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis archer et que je voulais choisir du coup un personnage qui représente un petit peu cette discipline trop négligée dans les médias. Le premier auquel j'ai pensé, ça a été Cupidon, mais c'était un petit peu trop attendu. Oui, c'est quand même un petit peu le premier... Premier archer auquel tu penses. C'est ça. C'est un peu cucu, quoi. C'est beau, l'amour. Oui, c'est beau, mais c'est cucu. Ensuite, j'ai pensé à Artémis, déesse de la chasse et protectrice des animaux. Ou bien à Ulysse, qui était un archer tellement balèze que c'est le seul à pouvoir bander son arc. Mais aucun des deux n'avait un arc magique, au final. C'était toujours des arcs traditionnels, mais c'était des supers archers. Moi, j'en ai parti sur des objets magiques. Donc, je respecte la règle. Et puis en plus, ils étaient tous les deux issus du folklore gréco-romain, qui est un petit peu le blockbuster de la mythologie dans notre culture occidentale. Oui, c'est vrai qu'on connaît beaucoup toutes ces figures-là, voilà. Voilà. Comme Pandore. Comme Pandore, exactement. Ok, j'ai compris le petit tacle. Non, pas du tout, c'était pas du tout. Non, bien sûr. Et donc aujourd'hui, on va partir pour les Indes pour découvrir la figure mythologique d'Arjuna, ou Arjuna, je sais hélas pas comment ça se prononce. Donc je vais dire Arjuna tout au long du podcast, et si je me trompe, je m'en excuse par avance. Donc Arjuna était le troisième des cinq Pandava. Il s'agit des cinq fils, alors ça c'est pas très radiophonique, mais je fais des guillemets, j'expliquerai pourquoi après, de Pandu, le roi de Hastinapura. Et les cinq Pandava, ce sont les héros du Mahabharata. C'est une épopée mythologique hindoue de 18 livres, écrite sous forme de poème. Et au vu de la densité de l'œuvre, c'est possible que je sois un petit peu approximatif sur certains points. Ah bah d'accord, super. Donc pour faire simple, c'est l'histoire de deux branches d'une famille royale qui s'affrontent pour le trône avec d'un côté les Pandava, qui sont les gentils, et de l'autre les Kaurava, qui sont les méchants. Ça commence un peu comme du Game of Thrones. C'est exactement ça, c'est un petit peu le Game of Thrones de l'Inde, j'attends que HBO l'adapte. Alors pourquoi j'ai fait des parenthèses à fils, tu vas me demander, Déborah. Des guillemets peut-être. Aussi. Alors, pourquoi j'ai fait des guillemets à fils, Déborah, tu vas sûrement me demander. Pourquoi tu as-tu fait des guillemets à fils? Parce qu'en fait, Pandu, c'est pas leur père biologique. Pandu a été maudit parce que lors d'une partie de chasse, il a blessé avec sa flèche un ascète qui avait pris l'apparence d'un daim. Un Aset, a priori, c'est des créatures un petit peu mythiques et sages. Il n'y a pas vraiment de définition là-dessus. D'accord. Il a été maudit, et donc s'il couche avec ses épouses, ouais, au moment de l'orgasme, il meurt. Ah, c'est ballot quand même. C'est pas cool quand même. Ah, c'est con. Ouais. J'avoue. Mais c'est qui meurt? C'est lui ou c'est ses épouses? C'est lui. Oui, donc ok, d'accord. Donc du coup, ouais, on est sur un mariage assez platonique. Ah bah sinon il peut se passer des choses, mais faut s'arrêter avant quoi. Voilà. Et donc du coup, ses épouses ont fait appel à des dieux pour pouvoir avoir des enfants. D'accord. Donc en fait, les Pandava sont tous des demi-dieux, y compris Arjuna. Et son père, c'est Indra, le roi des dieux. Il est quand même sur un... Ouais, c'est balèze. Voilà. Et donc, on le surnomme le blanc ou la perfection. Modestie, oui, bah, c'est ça, exactement. C'est quand même, on est sur un petit ego, quoi. Voilà. Voilà. Bah, c'est pas lui hein, qui l'a choisi. Oui, Drona. Bien sûr. Voilà, bah, c'est toujours facile, ça. Ce genre de... Voilà, bref. Drona, qui est un brahman, c'est une caste, en fait, qui regroupe les prêtres, les professeurs, les hommes de loi, en fait, tout ce qui touche, a priori, au savoir, à l'enseignement, ouais. Ça rentre dans cette caste-là. D'accord. Dans la caste des brahmas. Des brahmanes. Brahmanes, d'accord. Voilà. Et donc, Drona, c'était le maître d'armes des cinq Pandavas. Il leur a enseigné tout ce qui est art de la guerre, art militaire, arts martiaux, et notamment le tir à l'arc. Donc, petite anecdote assez sympa. Un jour, il prend un poisson en bois qu'il installe sur la branche la plus haute d'un arbre, le plus haut et le plus loin de l'endroit où il s'entraînait. Il demande ensuite aux cinq frères de tirer une flèche dans le poisson. Donc, le premier frère prend son arc, et là, Drona lui dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Et lui répond « Je vois le bleu du ciel, l'arbre, le vent dans les branches et le poisson. » Là, Drona dit « Très bien, tu prends ton arc et tu sors. » Ok, c'est... Ok. Ensuite... On est un enseignement type Kill Bill, quoi. Ok. C'est un maître d'armes, ils sont mystérieux en général. C'est vrai, ça fait partout, oui. Voilà. Ensuite, le deuxième frère vient. « Qu'est-ce que tu vois ?» Je vois le ciel, l'arbre, les branches et les le poisson. Les oiseaux, ta mère. Exactement. Et ensuite vient le tour de Arjuna. Il dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Il dit « Je vois l'œil du poisson et rien d'autre. » Et il dit « C'est bon, vas-y, tu peux tirer. » Quel lèche-cul celui-là. On est sur un archer... Ah oui, il est concentré, quoi. Il est focus. Voilà. Ok. Donc là, il se dit « Bon, Arjuna, le tir à l'arc, il a l'air de bien gérer. On va un petit peu exploiter ça. » Et en plus, dans les recherches que j'ai faites, a priori, Arjuna... Pour tout ce qui était art de la guerre, c'était ouais. Le plus balèze des frères. D'autres, ils avaient d'autres talents, mais Arjuna, c'était la baston. Ok. Comme il se rend compte que Arjuna, bon, ben, on va en faire plutôt un archer plutôt balèze, il a promis donc de lui faire de lui le meilleur archer du monde. Rien que ça. D'accord. Et il tiendra parole coûte que coûte. Ensuite, une autre histoire que j'ai eue qui était plutôt sympa. On parle du prince des Nijda, Ekalavya. Ouais, j'ai un peu du mal sur les prononciations, je m'en excuse. Il voulait être le disciple de Drona. Mais comme les Nijda étaient les ennemis du seigneur pour qui travaillait Drona, il a dit non, il n'y a pas moyen, toi, hors de question. Et donc, ce qu'a fait Ekalavya, il a créé une statue en argile. On revient souvent sur la thématique de l'argile. Ah ouais, mais quelles que soient les civilisations, en fait, ils aiment bien ça, quoi. C'est, ouais. Avec un rien, on fait quelque chose, quoi. La poterie. La poterie, toujours la poterie. Et donc, il a fait une statue en forme de Drona, qu'il a appelé maître, avec qui il s'est entraîné. D'accord. Alors, j'ai pas réussi à savoir si cette statue a prévu, ou si il était peut-être schizophrène, ou il avait des petites alus. Ou s'il prenait de la petite herbe sympathique avant le combat, histoire de... Pour la méditation. Voilà, c'est ça. Et donc, il s'est entraîné pendant des années avec cette statue en argile en forme de Drona. Un jour, il croise les Pandavas qui étaient en train de chasser, et leur chien attaque Ekalavya, et il lui tire 7 flèches d'un coup dans la gueule. On est sur un archer qui est plutôt pas dégueu non plus. Ouais. Là, les Pandavas lui demandent qui il est. Mmh. Il dit « Je suis Ekalavya, disciple de Drona. » Donc le là, fourbe. Bah, il s'est entraîné avec Drona, mais avec le fake Drona. Oui. Donc là, Arjuna, il va voir Drona, il dit « Ouais, quand même, t'avais dit que j'étais censé être l'archer le plus balèze, c'est pas très normal. » Ils vont voir Ekalavya, et Drona dit « Très bien, tu te présentes comme mon disciple, mais moi, j'ai pas été payé pour l'enseignement que je t'ai donné. » Oui. Et donc, il demande comme coup pour cet enseignement le pouce droit de Ekalavya. C'est dommage. Voilà. C'est... Oui. Du coup, Ekalavir ne peut plus être archer à cause de son pouce manquant. Et du coup, Arjuna est devenu le plus grand archer grâce à ça. D'accord. Et donc, du coup, Ekalavir, il n'était pas ambidextre? Non. Apparemment, non. Ouais. A priori. Ok. Donc, s'ensuit d'autres petites histoires autour d'Arjuna que j'ai notées. Donc, tout d'abord, l'histoire qui a fait qu'il rentre dans l'épisode de ce podcast, comment il a eu son superbe arc. Mmh. Un jour, le dieu du feu, Ani, souhaitait retrouver sa puissance. Et pour cela, il fallait qu'ils réduisent ensemble une forêt et anéantir toutes les créatures vivantes dans cette forêt. Il demande de l'aide alors à Krishna. Krishna qui est le 8e avatar du dieu Vishnu. Voilà, vous voyez pas, mais Déborah fait une magnifique danse. Indienne. Voilà. Et Arjuna. A priori, ils ont un peu fait les 400 coups tous les deux parce qu'il y a pas mal d'histoires, ils reviennent ensemble. D'accord. Ils acceptent, en échange, ils demandent des armes pour pouvoir accomplir la mission. Krishna reçoit le chakra, une arme incendiaire. Terrible. Alors, j'ai pas réussi à savoir si c'est le chakra tel qu'on le voit dans la méditation ou si c'est un objet physique. J'ai pas réussi à trouver de détails là-dessus. Ouais. Et ensuite, Arjuna reçoit Gandivia, un arc surpuissant avec deux carquois aux flèches inépuisables. Pratique. Voilà. Mais je me suis demandé pourquoi deux du coup. Ah, c'est pas con. Voilà, c'est pas con. Peut-être qu'il y a un petit délai de latence dans la réapparition des flèches dans le carquois qui fait que si tu les tires vraiment très vite, il vaut mieux avoir deux carquois ou pour aider un copain. Je sais pas. Voilà. Mais c'est un petit truc que j'ai trouvé un petit peu absurde. Écoute, si les mythologies étaient toujours pertinentes, on n'en parlerait pas. Autre petite histoire, des Asuras, des espèces de démons, se rebellent contre les dieux. Et au point que les dieux flippent un petit peu, y compris Indra, le père d'Arjuna, qui est quand même le roi des dieux. Il demande d'abord de l'aide à Vishnu, qui est le dieu du temps, gardien de l'équilibre et de la stabilité. Mais il est tellement balèze que s'il intervient, en fait, il va détruire l'univers. Du coup, il demande de l'aide à Arjuna de péter la gueule des démons. Ce qu'il fera aussi. Bah tiens, pourquoi s'en priver ? Une histoire qui revient assez souvent, c'est le Bhagavad Gita. Juste avant la bataille de Kurukshetra, et donc, c'est vraiment la grosse bataille du Mahabharata. C'est un peu l'épisode 9 de Game of Thrones. Ok. On va dans la même thématique. C'est le moment où on bute tout le monde voilà. Et là, de façon assez atroce. Juste avant, ok. Notre cher Arjuna, il est pris d'un gros doute juste avant la bataille. Je rappelle que ses ennemis, les Kaurava, ce sont ses cousins quand même. Parce que c'est de la même famille qui s'affronte. Et il se dit finalement, buter mes cousins, c'est pas jojo. Il y a mieux, après pour des questions d'héritage, ça fout le bordel dans les familles. Dans la mythologie, en montrant un peu ses doutes là-dedans, c'est vraiment ce qui caractérise Arjuna en montrant toutes ses qualités de justice, de pitié, de héros entre guillemets noble. D'accord. On va dire. Et donc Krishna, qui revient encore une fois, prend l'apparence du chauffeur de char de Arjuna et lui prodigue un enseignement spirituel et lui rappelle qu'il doit accomplir son devoir de Kshatriya, c'est un terme pour désigner guerrier dans la mythologie hindouiste. D'accord. En gros, il lui fait un petit discours comme dans les films de sport. Vous pouvez battre, gagner la finale et... Et remonter... 4 touchdowns d'ici la fin du match. Vous allez me faire 12, 10. Voilà, si vous jouez avec votre cœur, vous pouvez y arriver. Même s'ils sont en bon désavantage en termes de nombre, les Pandavas arrivent à péter la gueule des Kaurava et gagner la bataille. Et alors, du coup, le frère aîné, je vais me lancer encore dans une prononciation. Courage. Yudhishthira, le frère aîné, donc, monte sur le trône. Et c'est comme ça que se conclut cette saga. Donc, autre petit fait que j'ai trouvé assez drôle qui va te plaire, Deb, c'est que Arjuna, donc, c'était vraiment un très bon archer. Au point qu'il a gagné sa première épouse dans un concours de tir à l'arc. Ah, génial! Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a tiré dessus ou comment ça s'est passé? Non, un truc très très simple. Non, c'est genre un trophée quoi. Voilà. Ah, voilà, il a fini premier, il a eu une meuf. Exactement. Parfait. Donc c'est comme ça qu'il a gagné la princesse Draupadi dans un concours de tir à l'arc et il a partagé avec ses frères. Ah, bah c'est encore mieux! Bah oui, c'est vrai qu'une victoire tout seul, c'est pas une victoire finalement. Voilà, hein. Une famille. C'est ça. Et donc, en gros, ils ont ramené ce trophée à la maison. Et ils ont dit à leur mère, « Mère, nous avons un cadeau pour toi. » Et elle leur a dit, « Vous n'avez qu'à le partager. » Et ils l'ont pris au mot. Ah. Et après, il lui a demandé de venir l'aider à faire la vaisselle. Ça, je ne sais pas, ce n'est pas marqué dedans. Super. Et bon, Arjuna, il ne va pas quand même se contenter d'une seule meuf. Hein, c'est plutôt un beau gosse. Il a épousé aussi Ulipi, une princesse Naga, Chitranga, une princesse Manipur, et enfin Subhadra, qui était la sœur de Krishna, son pote. Il a rompu le brocol, mais bon. Ok, bon, bah écoute, ma foi, un bon personnage. Voilà. Ça partait bien, c'est un peu foiré sur la fin quand même. Hein, C'était une autre époque, nous dire. Oui, c'était une autre époque, nous dire. Alors moi, j'ai une petite question. Ouais. Est-ce que les Pandavas, oui, ça a un lien avec les Padawans? Ah, il faudrait que je recherche un petit peu. Parce que moi, franchement, ça m'a fait penser à ça. Ah ouais, mais les Padawans sont pas censés se marier? Ouais, c'est pas faux, ah, mais... Oh non, mais... Et donc... Mais dans le côté guerrier juste. Mm. Tu vois? Ah ouais. Un peu comme ça que je... Ah, ça... Peut-être le coup de chercher un petit peu. Ouais. Mais voilà, après, si ça vous intéresse, peut-être que on fera un épisode un peu plus développé sur le Mahabharata. Déjà, faudra apprendre à le prononcer correctement. Ah, mais ça a l'air cool. Ah, mais c'est super intéressant, hein, la mythologie hindoue, c'est très riche, et c'est pas forcément des choses auxquelles on a accès, soit déjà dans notre culture et dans l'apprentissage qu'on a de l'histoire des mythologies à l'école, parce que nous, on baigne quand même dans une culture gréco-romaine. Ouais. Très occidentalisé. Très occidentalisé. Et même dans les grands films qui nous atteignent, en Europe occidentale, on n'a pas forcément la vision de ces personnages-là, qui restent assez circonscrits au monde indien. Voilà. Complètement. C'est une très bonne transition pour l'étape le chapitre suivant de notre podcast. Tout à fait. Le chapitre suivant, c'est donc les références des personnages et des mythes dont on vous a parlé dans la pop culture ou dans des ouvrages ou voilà. Si vous souhaitez voir ou revoir les personnages ou approfondir le sujet dont on a parlé. Voilà. Je commence ? Tu as commencé tout à l'heure, commence maintenant. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur Pandore, je ne peux que vous conseiller l'ouvrage dont je vous ai lu un petit extrait. Pandore, poème en trois chants, de Charles Cheneau. Alors, il n'est certainement pas disponible en librairie, puisqu'il a été publié au début des années 1800. Mais par contre, il est facilement identifiable sur Gallica, qui est le catalogue en ligne des ouvrages numérisés par la Bibliothèque nationale de France. Donc, soit en cherchant Pandore, poème en trois chants, ou sous la référence YE17428. C'est gratuit, et vous pourrez lire le poème qui fait... l'ouvrage... qui fait une quarantaine de pages. Nous mettrons les liens et les références dans la description du podcast. Tout à fait, mon cher Gabriel. Vous pouvez aussi retrouver, entre autres, hein, je vous en signe que quelques-unes, parce qu'il y en a certainement beaucoup, mais vous pouvez retrouver une référence à la boîte de Pandore dans la série Doctor Who de la BBC One, qui est une série qui est très chère à notre cœur à tous les deux, dans l'épisode La Pandorica s'ouvre, qui est un épisode autour d'une œuvre picturale de Vincent Van Gogh sur fond d'explosion du TARDIS, qui est le vaisseau du Docteur, le personnage principal. Voilà, donc je vous invite à découvrir cette série si vous ne la connaissez pas. Alors peut-être que commencer par l'épisode La Pandorica s'ouvre, c'est peut-être pas génial, mais voilà. En tout cas, si vous l'avez vu, vous pouvez la revoir. Si vous ne connaissez pas, commencez Doctor Who, c'est vraiment... une super série. Donc, La Pandorica s'ouvre, c'est l'épisode 12 de la saison 5, avec les excellents Matt Smith et Karen Gillan. Ensuite, on retrouve aussi Pandore, le personnage de Pandore, dans la saga Hadès des Chevaliers du Zodiaque. Ça, c'est plutôt Gabriel qui est connaisseur de cette partie-là, parce que moi, les Chevaliers du Zodiaque, c'est pas forcément mon univers. Ça a été un peu mon premier pied dans la mythologie, les Chevaliers du Zodiaque. Voilà. Bon, il va falloir que je m'y mette. Et puis, on a aussi une référence de Pandore dans le jeu vidéo Legendary, qui est sorti en 2008, où on suit le mythe de la boîte de Pandore transportée au XXIe siècle. Et en fait, au lieu de contenir tous les maux de l'humanité, elle renferme en fait des démons et des créatures surnaturelles affreuses qui sont relâchées à notre époque. Donc ça... Ça a l'air cool. Ça a l'air cool et ça... Enfin, ça a l'air cool quand on n'est pas dans le jeu, mais quand on est dans le jeu, c'est moins sympa, quoi. Hein, oui. Se prendre un minotaure dans la tronche, ou autre part d'ailleurs, en général, le minotaure. Enfin bref, on va pas rentrer dans ces détails. On en reparlera sur notre podcast autour du minotaure. Voilà pour Pandore. Ok, pour Arjuna, donc si vous voulez souhaiter un petit peu en savoir plus, il y a quelques bouquins qui peuvent être sympas à explorer. Donc il y a l'hindouisme, une synthèse d'introduction et de référence sur l'histoire, les fondements et les courants et les pratiques par Alexandre Astier. Ah. Mais pas celui de Kaamelott. Oh. Petite homonyme. Mythe et dieu de l'Inde, le polythéisme hindou d'Alain Danielle. Ah. Oh. Je sais pas. J'ai cru que c'était quelqu'un de connu aussi, mais non. Non plus. Ces deux bouquins sont de bonnes bases pour découvrir un petit peu l'univers de la mythologie hindoue. Mm-hmm. Ensuite, pour ceux qui sont dans un niveau hardcore, il y a le Mahabharata, compté selon la tradition orale, édité en français. D'accord. Donc, je rappelle, 18 bouquins sous forme de poèmes. Oui, ça prend une petite place dans une bibliothèque. Faut pas vivre dans un 9 mètres carrés parisien, quoi. Voilà, mais c'est en version brochée, donc ça va. Oui, puis sinon, c'est en version e-book aussi, il y a moyen. Ouais. Tous ces livres sont facilement trouvables sur un site internet qui fait référence à une tribu de guerrières de la mythologie grecque. Ah. Tu l'as ? Je l'ai. Très bien. Je sais pas si on a le droit de citer des, voilà, des marques. Ouais, ce sera un jeu à trouver. Voilà. Ensuite, un peu plus récemment, on a Arjun, le prince guerrier. C'est un film d'animation indien sorti en 2012. Il se concentre sur la jeunesse d'Arjuna. Il a reçu l'éléphant d'or du meilleur film d'animation décerné par le jury d'enfants au Festival du film pour enfants d'Inde. En novembre 2013, il a été 3 fois nominé au Festival d'Annecy. D'accord. Donc ça a l'air plutôt cool. Je ne l'ai pas vu, mais... Il faudra... À voir. Ouais. Ensuite, donc, dans Fade and Grand Order, c'est un RPG sur mobile sorti en 2015, qui a été aussi édité en animé et manga. Ça fait suite à un jeu sorti en 2003 qui s'appelait Fate Say Night, dans lequel 7 maîtres magiciens s'affrontent dans une guerre pour le Saint Graal, avec leurs servants. Dans la suite, les personnages voyagent dans le temps pour sauver l'humanité suite aux événements de l'épisode précédent, et donc Arjuna apparaît comme servant de la catégorie des archers. D'accord. Ça a l'air plutôt cool, j'ai pas réussi à jouer parce qu'il est que sur iPhone. Ah oui. Mais le design a l'air plutôt cool. Enfin, pour conclure, Earth Girl Arjuna, c'est un animé sorti en 2001 qui comporte 13 épisodes. Juna, une lycéenne, meurt dans un accident de moto. On lui propose alors de ressusciter si elle devient l'avatar du temps pour protéger la Terre d'une menace imminente. L'histoire sera inspirée du Bhagavad Gita, c'est la bataille dans laquelle Arjuna doute, dont on a parlé un peu plus tôt dans le podcast. Et justement, un des autres personnages dans le manga serait la réincarnation de Krishna. D'accord. Voilà un petit peu les références qu'on a trouvées. Eh ben super. Eh ben voilà, nous on a terminé notre pilote pour Folklore. Folklore, le podcast. Voilà, donc comme on vous disait au début, n'hésitez pas à nous faire vos retours, nous dire ce que vous en avez pensé, si c'était assez approfondi, si le rythme vous convenait, et si ça vous convenait pas, pourquoi, mais dites-le gentiment. Voilà. C'est un format qui va sûrement être amené à évoluer, mais c'est un concept qui nous plaît bien, qu'on voudrait approfondir. Voilà, et puis vous pouvez nous suivre sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Voilà, et sur la page Facebook Folklore, le podcast. Voilà, tout à fait. Bon, bah voilà, on n'a plus qu'à vous dire au revoir, vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On vous dit à très bientôt, et on vous annoncera le thème du prochain épisode, sûrement sur le Facebook de Folklore. Voilà, et puis bon, on va attendre que de voir un petit peu le... Si la mayonnaise prend. Si la mayonnaise prend, et puis les retours qu'on a sur cet épisode pilote pour voir quand est-ce qu'on vous en propose un nouveau. Voilà. À très bientôt. À bientôt, merci.